mais qui ont besoin d'une petite cigarette. Oui. La lecture du Radiozine du 22 avril. Et c'est à la, c'est la première page. Alors, il y a un petit extrait à la première page et puis ensuite la page suivante. Ce ne sera pas très long. Je commence. Quelques pensées sur le festival Archipel, la musique expérimentale et la recherche du son, à l'oreille d'un physicien des particules. Une deuxième réponse serait que ma recherche concerne elle aussi des résonances. Dans mon cas, des particules à durée de vie extrêmement courte qui apparaissent à des énergies précises et caractéristiques. Ce qui est fascinant dans ces résonances, c'est qu'elles peuvent avoir des largeurs très différentes. Une résonance étroite est très localisée, mais il existe aussi des résonances larges qui interfèrent avec les particules à proximité et les mettent en mouvement. Je retrouve ces interférences, ces interactions, ces influences, ici aussi, à Archipel. Précisément parce que l'on ne s'intéresse pas seulement au centre des résonances, mais que l'on explore également leurs marges, ces zones plus diffuses où émergent de nouveaux sons. Mmh. Oui. Et ensuite, un petit texte illustré de Mazen Kerbage. Je crois que c'est pas de lui, c'est de une admiratrice. Oui, mais c'est c'est pas lui qui a illustré non plus. Non, je crois pas. Il est juste cité dedans. Tu vas voir, lis et tu vas comprendre. Oh, d'accord. L'approximation, c'est notre c'est notre contrat confiance. C'est nous. Je commence. Il y a longtemps, j'étais un auteur de bande dessinée quasiment pris au sérieux. On m'avait même invité à une résidence avec plein d'autres auteurs, dont Mazen Kerbage. Voilà, il n'a pas pu être invité avec lui-même. Ben oui. Il était déjà aussi grand, mais avait plus de cheveux et de barbe. Oui. Si je me rappelle bien, il ne parlait que de boire du vin rouge. Voilà.